Le comité égyptien et arabe de souvenirs du général Kim Jong-il est constitué le 25 novembre. Le comité comprend des personnalités égyptiennes, tunisiennes, libyennes et soudanaises. Il a décidé d'organiser largement du 25 novembre au 20 décembre diverses cérémonies politico-culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire et des exploits mortels du général Kim Jong-il. Par ailleurs, le comité de la ville de Nakhodka de Russie pour le souvenir du camarade Kim Jong-il est constitué le 23 novembre.